Lorsque le peuple ne craint pas la mort, comment l'effrayer par la menace de la mort? Si le peuple craint constamment la mort, et que quelqu'un fasse le mal, je puis le saisir et le tuer. Et alors, qui osera l'imiter? Il y a constamment un magistrat suprême qui inflige la mort. Si l'on veut remplacer ce magistrat suprême et infliger soi-même la mort, on ressemble à un homme inhabile qui voudrait tailler le bois à la place d'un charpentier. Lorsqu'on veut tailler le bois à la place d'un charpentier, il est rare qu'on ne se blesse pas les mains.